Je regarde ses ailes posées et ne pondre kilomètres des musiques et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis le tout enrobé dans des arts, tout séduit par de gentils riffs accrocheurs. De quoi c'est sûr bien plaire à tout un tas d'auditeurs. Je ne sais pas, finira par nous conduire vers un mur ou à bien les dents, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore je prends des points, à tout va je cherche les failles ou le bien. Et j'en ai cette inéronette chronique vers un avenir étrange. Je suis pas tout seul dans cette course, ça fait au résultat incertain.